Tu rentres à pied ce soir, t'es perdu dans le noir. Il est vraiment très tard et t'as perdu espoir. Ta mauvaise mine, ta mauvaise mine. Tu t'es bien amusé, tu l'as bien fait danser. T'as voulu l'embrasser, du coup elle s'est tirée. T'as pas bonne mine, pas bonne mine, non pas bonne mine. Ta belle chef étoilée, elle aussi s'est cassée. Ta mauvaise mine, ta pas bonne mine, non pas bonne mine. Connecté par hasard, tu lis tes mails dans le noir. Aux surprises à rancard, ça recommence demain soir. Hey, hey. Oui, ta bonne mine, oui, bonne mine, oh, oui, ta bonne mine. Perdu dans le noir. Il est vraiment très tard et t'as perdu espoir. Ta mauvaise mine, ta mauvaise mine. Mauvaise mine, ta mauvaise mine.